s'est mené à Rome pendant la guerre des Gaules. C'est dans ce même temps qu'il perdit d'abord sa mère, puis sa fille, et peu après son petit-fils. Cependant, le meurtre de Publius Clodius avait mis le trouble dans Rome, et le Sénat, qui était d'avis de ne créer qu'un consul, désignait nommément Gaius Pompée. Les tribuns du peuple lui destinaient César comme collègue. Mais ne voulant pas revenir pour cette candidature, avant d'avoir terminé la guerre, il s'entendit avec eux pour qu'ils fissent plutôt obtenir du peuple la permission de briguer absent son second consulat, lorsque le temps de son commandement serait près d'expirer. On lui accorda ce privilège, et, concevant déjà de plus grands projets et rempli d'espérance, il ne négligea rien pour se faire des partisans, à force de bons offices et de largesses publiques et particulières. Avec le produit du butin, il commença la construction d'un forum, dont le terrain seul coûta plus de 100 millions de sesterces. Il promit au peuple, en mémoire de sa fille, un combat de gladiateurs et un festin, ce qui était sans exemple. Pour donner à ses réjouissances le plus d'attrait possible, il ne s'en rapporta pas seulement aux traiteurs choisis pour cet objet. Ses esclaves aussi y furent employés. Il avait à Rome des agents qui enlevaient de force, pour les lui garder, les gladiateurs les plus fameux, lorsqu'ils combattaient devant des spectateurs malveillants. Quant aux élèves gladiateurs, ce n'était ni dans l'enceinte d'une école, ni par des professeurs d'escrime qu'ils les faisaient instruire, mais dans les maisons des particuliers, par des chevaliers romains, ou même par des sénateurs habiles à manier les armes, et qu'ils suppliaient, ses lettres en font foi, d'entreprendre l'instruction de chacun de ces gladiateurs, et de présider eux-mêmes comme des maîtres à leurs exercices. César doubla pour toujours la solde des légions. Dans les années d'abondance, il distribuait le blé sans règle ni mesure, et on le vit parfois donner à chaque homme un esclave pris sur le butin.